L'argent. Ok. L'argent, les poches vides c'est rageant. Le ventre vide on devient violent. Alors on investit intelligemment. On a l'or, on veut l'argent. Les poches vides c'est rageant. Le ventre vide on devient violent. Alors on investit intelligemment. On a l'or, on veut l'argent. Chaque jour je riffe ma vie, ma liberté. Pour ce morceau de papier qui fait que je m'entête. En fait je m'entête. Trop impatient pour la retraite. La maille, j'en ai jamais assez. À quoi que mes poches sont trouées. On flambe et ça part en fumée. Faut un capital pour avoir une vie stable. Quels que soient nos rêves, les billets verts y ont une place non négligeable. On veut des euros, gagner le gros lot au loto. Des dollars par milliard, enrichir les clochards et mettre à l'aise la MIFA. La rassembler dans un tocha. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Moi je dis qu'il réglerait beaucoup de malheur, c'est clair. Sans argent on peut rien faire, les poches vides c'est l'enfer. Faut faire marcher les affaires frère. Faut du bif, que le bif se concrétise. Sans avoir affaire à la police. L'argent, les poches vides c'est rageant. Le ventre vide on devient violent. Alors on investit intelligemment. On a l'or, on veut l'argent. Les poches vides c'est rageant. Le ventre vide on devient violent. Alors on investit intelligemment. On a l'or, on veut l'argent. J'ai trop d'amendes à payer, de dettes impayées. Je compte plus l'aide de l'huissier. L'ardoise est loin d'être effacée. Le manque de Dieu me rend foyer. L'argent, on y tient tellement qu'on fait plus de sentiments. Dis-moi qui peut satisfaire de la galère ou de la misère. On en a marre d'être payé au lance-pierre. On veut réaliser nos rêves. Mais c'est l'État qui nous pèse, qui nous fait serrer la ceinture et les fesses. Ouais, c'est l'État qui encaisse. Monsieur le Président, écoute-moi, c'est urgent. Parce que si je te crois, c'est coup de pompe et fusil à pompe dans tes dents. Pour nous, y'a pas assez d'argent. Tu nous mens, y'a que la haine que tu nous donnes en nous parlant poliment. C'est la vérité, on a été déshérités. Que dalle, on nous a rien laissé, à part des ruines qui s'effondrent. Et quand je demande de l'aide, y'a personne pour répondre. J'ai la dalle donc, crois pas que je vais rester là morfond. Tu crois que je suis pas là, fais bélec, je te guette, tapis dans l'ombre. Y'a que la maille qui maille, sans elle on est taille. On se décaille pour elle, on joue les canailles. Car sans elle la vie est moche, j'en veux tous remplir ses poches. Faire plaisir à ses proches, l'argent. Après et pour la famille, c'est ce qu'il y a de plus important. L'argent méchant qui nous fait rentrer cagoulé dans la queue. Bon, pareil frac dans ta baraque. On met tous en dessus dessous pour trouver des sous. J'ai les poches vides, ok j'ai des soucis. Pour remplir le beat, je suis obligé d'être sans merci. L'argent, les poches vides c'est rageant. Le ventre vide on devient violent. Alors on investit intelligemment. On a l'or, on veut l'argent. Les poches vides c'est rageant. Le ventre vide on devient violent. Alors on investit intelligemment. On a l'or, on veut l'argent.